L'histoire de slip kangourou, l'histoire de slip et des kangourous. Rentre dans le club, rentrez dans le club des slip et des kangourous. Tu as déjà essayé un slip kangourou ? Choisis ta couleur, noir, blanc ou jaune fluo. Choisis ta couleur, blanc ou jaune fluo. Pas de texte, mon gars. Les textes se créent au fil du temps, des minutes et des secondes. Fil des notes qui passent, et je vois les mots se croisent. Les mots se croient. avec le temps. Les mots se croisent avec le temps. Les mots se croisent avec le temps. Les slips se croisent avec. Tente de m'allumer là. Tente de nous quoi. Fumer la nature. Tu as fumé la nature, mec? Tu as bu la nature? Tu manges la nature? Thank you. Thank you. odeur de vinaigre. Thank you. collector, ça c'est non. We'll be right back. Bonjour. Caramel, lait, beurre salé, un peu comme Haagen Dazs. C'est bon, c'est salé. Thank you. Oh, Oh, mama,